Certains rêvent en couleur, d'autres en noir et blanc. Certains rêvent toutes les nuits, d'autres soutiennent Mordicus qu'ils ne rêvent jamais. Disons qu'ils oublient complètement leurs rêves. Et si le rêve se matérialisait dans votre vie, que diriez-vous ? Croiriez-vous avoir rêvé ? As-tu bien dormi, ma chérie ? C'est par cette question rituelle que Madame Lemonnier réveille tous les matins sa fille Béatrice. Béatrice ouvre les yeux en grognant. « Maman, oh pourquoi tu ouvres les rideaux ? Oh, j'ai le soleil en plein dans l'œil. » « Et justement, le soleil brille. Tu vas prendre ton petit déjeuner dans le jardin. Allez, oust, oust ! Une grande fille de 10 ans ne va pas passer toutes ses vacances au lit. » Béatrice se frotte les yeux et fait la moue. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Ah, comme de bien entendu. Je me demande s'il y a une seule nuit ou tu ne fasses pas un rêve des plus fous. Il est vrai que Béatrice est la grande spécialiste des rêves en couleurs qui la plonge dans des univers étranges. Béatrice très souvent rêve d'une villa qui pourrait bien exister quelque part en Italie. Devant la villa, des bassins en terrasse sont encadrés par des ifs. Le plus étrange est que, à chaque visite que Béatrice fait en rêve dans sa villa, elle y rencontre des personnages différents. Parfois ce sont des Anglais très joyeux, qui boivent du vin, qui chantent. D'autres fois ce sont des demoiselles d'un certain âge qui se promènent sous des ombrelles. Lors d'une visite en rêve de sa villa, Béatrice dit « Oh, c'était triste. Ma villa a été tout abandonnée. Il y avait des mauvaises herbes dans les allées. Les volets étaient fermés. La peinture des murs était pleine de moisissures. » Une autre fois, Béatrice s'est réveillée très choquée. « Oh, quand je suis arrivée, il y avait des gens qui se baignaient dans les bassins. Ils s'amusaient bien. » Il y avait des hommes, des femmes, des enfants, mais ils étaient tout nus. Je n'ai pas osé rester. Tu n'aurais pas été contente. » Madame Lemonnier apprécie que sa petite Béatrice, malgré son très jeune âge, garde même en rêve un certain respect des convenances. Elle lui explique « Quand on rêve d'une maison, c'est qu'on rêve de soi-même. » Mais elle ne s'aventure pas à analyser le contenu psychanalytique des rêves de sa gamine. Ce matin donc, Béatrice a un nouveau rêve à raconter. Madame Lemonnier s'est assise sur le bord du lit de Béatrice. « Alors, mon poussin, raconte-moi ton rêve avant de l'oublier. On va bien voir si c'est du comique ou du tragique. » Béatrice se concentre et repart un peu dans son rêve. « Eh bien, on était toutes les deux devant ma villa. Et j'ai vu sortir un gros monsieur barbu. Il avait le visage tout rouge comme s'il allait exploser. Il avait une canne à la main. » Un chapeau de paille tout noir avec un ruban qui brillait comme de l'argent. Et une canne. Très intéressant, ma chérie. Un chapeau noir avec un ruban argenté. Ça devait être d'un chic. Il faudrait lancer la mode. Et qu'est-ce qu'il faisait, ce gros monsieur ? Béatrice vit souvent des aventures époustouflantes de l'autre côté de la nuit. Mais ce matin, Madame Lemonnier reste un peu sur sa faim. Béatrice, vexée, avoue, il ne faisait rien. Il sortait de ma villa. Enfin, il m'a semblé que c'était ma villa. Et il s'en allait dans la rue, en faisant tourner sa canne. Madame Lemonnier rabat d'un seul coup la couette de Béatrice. Bon, c'est pas très palpitant. Je me demande même pourquoi il s'est dérangé pour venir se promener dans ton rêve. Eh bien, Béatrice et sa mère vont très bientôt connaître la réponse à cette question un peu ironique. Dans l'après-midi, Madame Lemonnier annonce « Je vais aller faire des courses à Vichy. » Et s'il nous reste encore du temps, j'essaierai d'aller dire bonjour à Charlotte Dufaux. Elle fait une cure pour 3 semaines. Elle est descendue à l'hôtel Taillefer. Tu viens avec moi ? Béatrice décide d'accompagner sa mère. Elle a envie de voir du monde, et puis elle aime beaucoup Madame Dufaux. C'est ainsi que vers 18h, Madame Lemonnier et Béatrice montent les marches qui conduisent au hall de l'hôtel Taillefer. Un portier, en grand uniforme, un haut de forme galonné sur la tête, sourit à chacun de ceux qui entrent ou sortent. « Maman, regarde, regarde !» Madame Lemonnier, un peu perdue dans ses pensées, ne comprend pas ce qu'elle doit regarder. « Maman, c'est lui, là, il descend les marches !» Madame Lemonnier jette un œil sur les gens qui entrent et sortent de l'hôtel. Soudain, elle aperçoit un homme qui descend les marches. Il est pratiquement obèse et son visage congestionné dégouline de transpiration. De la main gauche, il éponge son front avec un grand mouchoir. Il est barbu. Il passe devant Béatrice et sa mère sans leur prêter la moindre attention. Il semble de bonne humeur. Et de la main droite, il fait des moulinets avec une canne de jonc dont la poignée est dorée. Madame Lemonnier remarque qu'il porte un chapeau de paille noire entouré d'un ruban qui brille au soleil, comme s'il était tissé le fil d'argent. C'est lui, l'homme dont tu as rêvé. C'est lui, tu en es certaine. Béatrice est devenue muette d'émotion. Elle fait des signes de la tête pour répondre que c'est bien l'homme de son rêve. Pendant ce temps, Béatrice et sa mère ont traversé le hall de l'hôtel. Un épais tapis de laine donne une impression de confort et de luxe. Elles se trouvent maintenant devant l'ascenseur qui doit les conduire au troisième étage et à la chambre 321, celle de Madame Dufault. Madame Lemonnier tient à la main un paquet de pâtisseries variées, des puits d'amour, une gourmandise qu'elle partage avec son amie. « Maman, il faut suivre ce monsieur, viens vite !» Béatrice saisit la main de sa mère et l'entraîne vivement vers la sortie de l'hôtel. Sur l'esplanade ombragée, elles aperçoivent le gros monsieur congestionné qui s'éloigne en continuant à faire des moulinets avec sa canne. Elles descendent rapidement les marches de l'entrée et se mettent à courir pour rattraper le bonhomme. Le paquet de puits d'amour sautille au bout de sa ficelle. Vont-elles rejoindre l'homme à la canne? Oh, Béatrice, ça suffit! Mais enfin, qu'est-ce qu'on va lui dire à ce monsieur? Bonjour, monsieur. Je viens vous dire que cette nuit, vous étiez dans un rêve de ma petite Béatrice. Et j'aimerais savoir ce que vous allez faire maintenant. Non, il va nous prendre pour deux folles. Oh si, maman, allons lui parler. Non, ça ne rime à rien. Et puis, les puits d'amour ne vont pas résister. À les secouer comme ça, ça va faire un désastre. Quand je vais ouvrir le paquet, ça ne sera plus des puits d'amour, ça sera de la ratatouille. Allez, on laisse ce gros monsieur tranquille et on retourne à l'hôtel. Béatrice fait un peu la tête. Dame, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de parler à quelqu'un qu'on a rencontré dans un rêve. Béatrice aurait bien voulu entendre le son de sa voix. Madame Lemonnier a tourné les talons. Elle dit à Béatrice, et puis d'abord, rien ne dit qu'il soit français, ce monsieur. Suppose qu'il soit allemand ou tchécoslovaque, hein? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Béatrice ne trouve rien à redire. Maman a raison. Elle se sent bien incapable de dire bonjour en tchèque. C'est à ce moment précis que Madame Lemonnier et sa fille entendent un bruit. Comme si deux voitures venaient de se percuter de plein fouet. Pourtant, il ne s'agit pas d'une collision. D'ailleurs, la circulation semble normale. Madame Lemonnier dit « On dirait que ça vient de l'hôtel Taillefer. » Et du coup, elle se met instinctivement à courir. Béatrice la suit comme elle peut. Le paquet de puits d'amour se remet à tanguer dangereusement au bout de la ficelle. Devant l'entrée de l'hôtel Taillefer, le portier chamarré et son haut de forme ont disparu. Des gens sortent en courant, d'autres entrent tout aussi précipitamment. Quand Madame Lemonnier parvient au bas des marches, des ambulances aux sirènes hurlantes viennent se garer en catastrophe devant le péristyle de marbre. Une voiture de police est là et les pompiers arrivent à toute vitesse. Déjà, des agents de police font un barrage et filtrent ceux qui se pressent. Madame Lemonnier demande « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» L'agent à qui elle s'adresse lui demande en guise de réponse « Vous êtes cliente de l'hôtel? Vous avez de la famille qui loge ici ?»« Non, je viens voir ma tante, Madame Dufault. » Elle occupe la chambre 323. Que s'est-il passé? Un officier s'approche et dit « C'est un problème d'ascenseur. » « D'ascenseur, qu'est-il arrivé ?» L'ascenseur de l'hôtel a eu une défaillance. Il est tombé depuis le troisième étage. « Oh mon Dieu !» Madame Lemonnier se tourne vers Béatrice. « Pourvu que tante Charlotte ne soit pas trouvée dedans, elle m'a dit « Si je m'ennuie trop en t'attendant, je descendrai au salon de thé. » En définitive, l'accident de l'ascenseur aura fait 6 morts. On se perd en conjectures sur les raisons techniques de cet accident. La direction de l'hôtel a fait réviser l'installation juste avant le début de la saison. L'ascenseur, il est vrai, a plus de 50 ans d'existence. Madame Lemonnier mettra 2 heures avant de parvenir à rejoindre son amie Charlotte. Les puits d'amour, sans doute peu adaptés à toutes ces péripéties, n'ont plus figure humaine. Béatrice trouve cependant que les morceaux sont très bons et qu'on peut très bien les manger avec les doigts. Madame Lemonnier dit à son amie Charlotte, « C'est un vrai miracle. Sans ce gros monsieur, Béatrice et moi, nous aurions dû nous trouver justement dans l'ascenseur qui est tombé. Quel dommage. Je ne saurai sans doute jamais qui est ce gros bonhomme barbu au visage tout rouge. » Et Béatrice conclut, « Mais maman, qu'est-ce qui dit qu'il existe vraiment ? Si ça se trouve, il n'existe que dans mon rêve. »